Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Toutankhamon, un pharaon et sa malédiction visitent Paris. Entre février et septembre 67, la capitale française est le théâtre d'une exposition inédite. 45 monuments et objets, parmi les plus précieux que la civilisation égyptienne a produits durant l'Antiquité, sont présentés au public du Petit Palais à deux pas des Champs-Élysées. Ce trésor inestimable, fruit d'une accumulation de chefs-d'œuvre tels que des bustes en pierre, des objets personnels, des parures de métaux, des coffrets en bois précieux et même une tête de sarcophage en feuilles d'or, est l'unique témoignage du rite funéraire des pharaons et de l'un d'entre eux en particulier, Toutankhamon. Révolution dans le domaine de l'histoire culturelle. L'exposition Toutankhamon de 1967, considérée par la presse comme l'exposition du siècle, va effectivement marquer son temps. Elle va aussi symboliser un renouveau diplomatique entre la France du général de Gaulle et l'Égypte du général Nasser, car dans cette affaire, Toutankhamon, derrière le sarcophage et sa prétendue malédiction, se cache une fantastique opération de sauvegarde du patrimoine de l'humanité et un coup diplomatique magistral. Notre invité aujourd'hui, en duplex dans les studios de France Bleu Hérault à Montpellier, Marc Gabold, professeur d'égyptologie à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il a effectué de nombreuses fouilles archéologiques en Égypte. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Toutankhamon » paru aux éditions Pygmalion en 2015. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Regarde ce signe. Ici, il est en copte. Ici, en démotique. Ici, en égyptien ancien. Et ici, en hiéroglyphe, la version la plus ancienne. Si les hiéroglyphes ont un lien avec le démotique, c'est qu'ils sont l'écriture d'une langue, pas de vagues symboles mystiques. André ? Professeur Champollion, allons-nous étudier les hiéroglyphes ? Oui. Bien évidemment que nous les étudierons. Novembre 1922, un siècle tout juste après la première traduction des hiéroglyphes par l'égyptologue français Champollion, la vallée des rois à Louxor, en Haute-Égypte, est un vaste chantier à ciel ouvert. Dans cet endroit situé à flanc de falaise et au bord du désert, au beau milieu des temples et des sanctuaires, dans un vacarme assourdissant et dans un nuage de poussière étouffant, une cohorte d'ouvriers se relaie pour déterrer les tombeaux des pharaons. Après des années d'efforts, les égyptologues occidentaux découvrent ici un grand nombre de chambres funéraires. Parmi les plus célèbres, celle d'Akhenaton ou celle de Ramsès II. À chaque fois, malheureusement, les lieux n'ont pas résisté à l'usure du temps. Saccagés et pillés, ils n'ont offert aucune possibilité aux historiens de comprendre les rites du passage des pharaons vers l'au-delà. Parmi ceux qui s'entêtent et qui s'obstinent à retrouver les vestiges du passé, il y a le Britannique Howard Carter. À 48 ans, l'homme est à la tête d'une petite expédition financée par un mécène, Lord Carnarvon. Son but, retrouver la tombe d'un pharaon que le livre d'histoire oublie jusqu'alors souvent de mentionner, un certain Toutankhamon. Oui, voilà des années que Carter s'épuise à chercher, sans résultat. Sur le conseil d'un confrère, qui travaille lui aussi dans la vallée des rois, le Britannique part fouiller au pied de la tombe de Ramsès VI, où, dit-on, il reste des maisons d'esclaves et des déblais jamais explorés. L'endroit a beau être interdit, Carter ordonne à ses ouvriers de creuser. Et très vite, leurs efforts vont être récompensés. Le 4 novembre 1922, en arrivant sur son chantier, Carter fut surpris par l'inactivité des ouvriers. Il sentit à leur regard, à leur silence impressionnant, qu'un événement important venait de se passer. Une première marche taillée dans le roc venait d'être mise à jour. Après en avoir déblayé 15 autres, ils se trouvèrent devant un mur dont la surface plâtrée portait l'empreinte de plusieurs sceaux. Au-dessus de l'image des 9 ennemis traditionnels de l'Égypte se trouvait celle du chien Anubis. Anubis, dieu funéraire dans l'Égypte antique. Carter et son équipe réalisent qu'ils ont sous les yeux le mur d'une chambre funéraire. À après plusieurs heures à évacuer des dizaines et des dizaines de sacs de sable, ils mettent à nu la façade tout entière, haute de 2 mètres, large de 3. Et là, à sa grande stupéfaction, Carter découvre, gravé dans la pierre, un symbole qu'il cherche depuis longtemps, celui du pharaon Toutankhamon. Trois semaines plus tard, Lord Carnarvon arrive en Égypte. Il donne l'ordre de faire percer le mur. L'un après l'autre, Carter et lui se glissent dans l'étroit conduit qui mène à l'intérieur. À l'aide de leur lampe à pétrole, ils éclairent une sorte de couloir. De part et d'autre, ils tombent sur des débris et des choses sans intérêt. Alors ils marchent, ou avec précaution, et ils découvrent plusieurs petites salles. Plus tard, l'égyptologue anglais raconte... 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood. 33 siècles avaient passé depuis que l'homme, pour la dernière fois, avait marché sur ce sol. We had penetrated two chambers. Nous étions entrés dans deux salles. Mais quand nous vîmes un tombeau d'or avec des portes fermées, nous comprîmes alors que nous étions en présence du roi mort. Nous allions être témoins d'un spectacle qu'aucun homme n'avait eu le privilège de voir. Il faut presque 3 mois à Carter et son équipe pour dégager avec précaution les milliers d'objets en ébène, en ivoire, en or et autres métaux précieux disposés ici et là dans la chambre mortuaire. Un trésor inédit et dont la valeur attire partout dans la vallée des rois la curiosité des journalistes, mais aussi la convoitise des voleurs. À l'intérieur, la tombe de Toutankhamon se révèle au fil des avancées un véritable coffre-fort. Carter doit séparer 4 épaisses chapelles de pierre qu'il faut ensuite ouvrir pour enfin accéder au premier des 3 sarcophages du pharaon. Le 17 février 1923, l'égyptologue atteint enfin son but. Then a decisive moment. Arriva le moment décisif. Aucun de nous ne pouvait échapper à la solennité de l'instant. Et quand le dernier linceul fut retiré, nous eûmes le souffle coupé à la vue d'une telle beauté. L'effigie en or du roi, une pièce magnifique, remplissait l'intérieur. C'était le premier couvercle d'une série de 3 cercueils nichés l'un dans l'autre et qui contenaient les restes du jeune roi Toutankhamon. Après plus de 3500 ans d'un voyage dans l'éternité, la momie de Toutankhamon connaît un réveil brutal, assailli par des mains et des instruments qu'il examine sous tous les angles et toutes les coutures. On lui arrache ses bijoux et ses parures précieuses. Pire, on se livre sur elle à une véritable séance de torture. Carter veut à tout prix récupérer le masque en feuille d'or fixé à la tête de la momie. Alors, il l'a fait décapiter. Sacrilège dont il ignore alors les conséquences. 1 mois et demi plus tard, en effet, le mercredi 4 avril, au Caire, quartier des ambassades, un homme agonise dans sa chambre d'hôtel. Il tremble de fièvre. Les yeux révulsés, il murmure des mots entrecoupés de cris et de soupirs. C'est Lord Carnarvon, le mécène des fouilles archéologiques, l'homme qui, avec Carter, est entré le premier dans le tombeau du pharaon. Après plusieurs heures de délire, il sombre dans le coma, puis s'arrête de respirer. Sa mort, soudaine et mystérieuse, est la première d'une longue série. Au total, 17 personnes vont disparaître en l'espace de quelques mois. Autant de personnes qui toutes ont participé aux fouilles ou ont approché la momie. Dans ce pays de mystère et de magie que l'Égypte, il ne faut pas longtemps pour que les théories les plus folles circulent. D'autant que la presse révèle qu'à l'entrée du tombeau, Lord Carnarvon aurait découvert le message d'avertissement suivant. À tous ceux qui oseront pénétrer dans ce sanctuaire, à tous ceux qui oseront profaner cet endroit sacré, à tous ceux qui oseront troubler la paix du pharaon, chacun d'entre eux doit s'attendre à être frappé en retour par les ailes de la mort. La malédiction de la momie du pharaon Toutankhamon, ou sa légende, est née. Quarante ans plus tard, vallée des temples de Nubie, région d'Aswan, République arabe unie d'Égypte, un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Nous sommes au début des années 60. Les temps ont bien changé depuis qu'Howard Carter et son équipe des blés à la pelle et à la main et vestiges des tombes des pharaons. Désormais, les équipes de recherche sont équipées de pelleteuses et d'un matériel dernier cri. Les motivations, elles aussi, ne sont plus les mêmes. Avant, on fouillait pour découvrir, désormais, on cherche à préserver. Assise à son bureau de fortune, sous une grande tente, la directrice de la mission de sauvegarde du patrimoine de l'UNESCO analyse des relevés topographiques. Directrice du département des antiquités du musée du Louvre à Paris, Christiane Desroches-Noblecourt, elle est une professeure d'égyptologie réputée. Aujourd'hui, elle se bat au nom de l'UNESCO pour sauver des eaux du Nil, les temples de cette région dont les statues géantes d'Abou Simbel, taillées à même la pierre, constituent le joyau. À 300 km plus au nord, à Aswan, des autorités égyptiennes construisent en effet un barrage hydroélectrique. Le lac de retenue d'eau qui sera créé menace d'engloutir la vallée de la Nubie. Après avoir alerté la communauté scientifique, Christiane Desroches-Noblecourt déploie toute son énergie pour convaincre les Égyptiens de la possibilité d'un sauvetage. Isolé sur le plan diplomatique, ruiné sur le plan économique, le général Nasser ne dispose que d'une marge de manœuvre très faible. Pour bénéficier de l'aide internationale, Christiane Desroches-Noblecourt affirme que l'Égypte doit révéler son patrimoine et surtout le partager, chose jusqu'alors inenvisageable pour les Égyptiens. L'archéologue française soumet alors l'idée d'une grande exposition internationale organisée en France et dans laquelle l'Égypte offrirait aux yeux du monde certaines de ses pièces les plus importantes. L'ensemble des bénéfices récoltés serait reversé pour le sauvetage des temples de Nubie. Pour arriver à convaincre les dirigeants égyptiens, Christiane Desroches-Noblecourt va alors user d'un étonnant stratagème, comme elle l'expliquera plus tard au micro de France Inter. Chaque fois qu'on me disait non, je n'insistais pas. Mais je prenais un certain temps pour réfléchir, pour voir par quel biais je pouvais reprendre le problème en ayant de nouveaux arguments. Ça, c'est pas facile, mais enfin, on en trouve. Et je recommençais auprès des mêmes personnes en leur disant, vous m'avez dit non à cause de ceci, ceci, ceci, mais moi, j'ai omis de vous dire cela. Alors, il fallait qu'ils y repensent. Et quelquefois, ça prenait. Ça prenait. Et ça marche. Après plusieurs années de pourparlers, les autorités égyptiennes acceptent d'envoyer à Paris certaines pièces entreposées jusqu'alors au musée du Caire. Un homme s'active pour faire aboutir cet incroyable projet d'exposition d'art égyptien dans la capitale française. C'est le ministre de la Culture, André Malraux. Lors d'un voyage inédit en Égypte, au mois de mars 66, il se rend dans la vallée des Rois et rencontre son homologue égyptien, le docteur Okacha. L'Élysée a donné son feu vert, le ministre de la Culture a carte blanche et dispose de moyens financiers quasi illimités. Cette visite d'André Malraux est d'autant plus importante que depuis bientôt une décennie, les rapports diplomatiques entre Français et Égyptiens sont délicats. Depuis la crise du canal de Suez en 56, en effet, et suite au soutien d'Égypte au mouvement indépendantiste algérien, le dialogue entre Paris et le Caire s'était rompu. Au micro de France Inter, l'ambassadeur de France en Égypte, Jacques Roux, est optimiste. Il s'agit là d'une manifestation très importante dans les relations culturelles franco-égyptiennes. C'est la première fois que, à ma connaissance, les autorités et le gouvernement égyptien a accepté de faire sortir pendant une si longtemps un nombre aussi important de pièces de tout premier ordre. Nous sommes donc particulièrement reconnaissants à M. le ministre Okacha et au service des antiquités égyptiennes d'avoir bien voulu organiser cette exposition. Côté français, Christiane Desroches-Noblecourt se rend à plusieurs reprises au musée du Caire. Les négociations avec les conservateurs égyptiens sont difficiles, car la plupart des objets que demandent l'égyptologue française appartiennent à un pharaon maudit, Toutankhamon. Côté égyptien, les conservateurs refusent de se séparer des grandes pièces, de crainte qu'elles ne soient abîmées pendant le transport. Idem pour les plus petites, car on estime qu'elles pourraient être égarées. Même souci pour d'autres objets de métal précieux, le chef des collections du musée du Caire craint qu'ils ne soient volés. Au même moment, sur France Inter, le journaliste Jean-Claude Héberlé interroge son confrère Pierre Ichac sur l'importance de Toutankhamon dans l'histoire de l'Égypte et sur l'intérêt d'une telle expo. Je voudrais que nous rappelions, pour ceux dont les souvenirs historiques seraient peut-être un peu estompés, qui était ce Toutankhamon, celui qu'on a appelé le petit roi. Pourquoi dit-on toujours ce petit roi? Cela tient à ce que, monté sur le trône au milieu du XIVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers 1351, il est mort dans la 9e année de son règne. Et il avait quel âge? Eh bien, d'après l'étude de la momie, c'était vraiment un tout petit jeune homme qui n'avait peut-être pas atteint sa 20e année. Or, quand on pense que, l'Égypte sortant à ce moment-là d'une période d'anarchie, ce petit roi n'a vécu que 9 ans, et que l'on a trouvé des trésors qui remplissent à l'heure actuelle la moitié d'un étage de l'actuel musée du Caire, on se demande ce qu'il devait y avoir dans les tombes des grands rois dont on a retrouvé les momies soigneusement rangées dans des puits un petit peu au nord de la vallée des rois. Après plusieurs mois d'échanges, au mois d'août 66, Français et Égyptiens tombent d'accord sur une liste définitive de 45 objets qui seront exposés à Paris. 33 d'entre eux proviennent du tombeau de Toutankhamon découvert par Howard Carter. Commence alors une opération d'une envergure jamais vue pour préparer les œuvres au voyage. Le musée du Louvre envoie sur place, en Égypte donc, une équipe d'une dizaine de spécialistes de la restauration pour conditionner, protéger et empaqueter chaque pièce. À 24 heures de leur départ pour Paris, on place les précieux objets dans d'épaisses malles en métal. Puis on les rassemble dans une salle sécurisée et gardée de l'aéroport du Caire. Les objets les plus volumineux seront expédiés par bateau dans des caissons insubmersibles fabriqués tout spécialement. Tout semble donc se dérouler comme prévu. Lorsque, sans prévenir, le mythe de la malédiction qui entoure la momie frappe à nouveau. Dans la nuit qui précède le départ des objets vers la France, le directeur des antiquités du musée du Caire meurt dans son bureau, foudroyé, selon les médecins, par une hémorragie cérébrale. C'est lui qui avait signé l'autorisation de sortie du territoire des objets. La question qui revient alors dans tous les articles de presse est la suivante. La malédiction de Toutankhamon viendra-t-elle, elle aussi, hanter Paris ? Vendredi 10 février 67. En fin de journée, un avion militaire se pose en bout de piste de l'aéroport du Bourget. Il est suivi par 5 appareils aux couleurs de l'armée de l'air. Quelques instants plus tard, à l'abri des regards indiscrets, des soldats déchargent une à une les 32 imposantes caisses venues d'Égypte. On les installe dans des camions bâchés. Une équipe de l'ORTF interroge alors l'unique passagère de ces 5 vols, une certaine Christiane Desroches Noblecourt. Que pense-t-elle de cette malédiction réelle ou supposée ? La malédiction ? Quelle malédiction ? Il n'y en a pas ? Ce serait plutôt une bénédiction. Il devrait nous remercier au centuple, je crois qu'il l'a fait depuis bien longtemps, car de tous les rois dont on parle, je crois que c'est celui dont on parle le plus, et la prière des Égyptiens la plus courante, et celle qui, pour eux, était le souhait le plus cher, était de voir répéter leur nom pour qu'ils puissent vivre pendant des milliers d'années. Une heure plus tard, le convoi quitte l'aéroport, encadré d'une importante escorte policière. Sirène hurlante, les motards ouvrent la route. Les camions suivent, le cortège fonce sur un itinéraire fermé à la circulation. Il lui faut à peine une vingtaine de minutes pour arriver au centre de Paris. Puis 5 autres sont nécessaires pour remonter les Champs-Élysées et prendre à gauche avenue du Tuy. Là, ils rejoignent l'entrée de service du musée du Petit Palais. Sur place, la directrice de l'établissement, Adine Cacan, accueille Christiane Desroches Noblecourt. Ensemble, les deux femmes visitent les lieux qui serviront de décor à l'expo. Pour répondre aux contraintes de sécurité réclamées par les Égyptiens, toutes les serrures du Petit Palais ont été changées. En outre, le musée s'est doté d'un système interne de vidéosurveillance, une première dans un musée français après le Louvre. Enfin, des gendarmes et des agents de la direction de surveillance des territoires patrouillent en permanence aux abords du bâtiment. En attendant l'ouverture au public prévue dans une semaine, les objets de l'exposition sont installés dans d'immenses coffres-forts en acier. de mobilier funéraire du pharaon, lui, est stocké à l'intérieur d'une chambre métallique à l'épreuve des balles et du feu. Lors de l'arrivée du convoi maritime, il faut plus de 5 heures aux agents du Petit Palais pour transporter la colossale statue du pharaon, haute de 3 mètres et pesant près de 8 tonnes. Ensuite, il faut placer sa majesté sur un présentoir. Bon courage. Deux jours avant l'inauguration, la tête du sarcophage en or arrive à son tour, sous bonne escorte, au Petit Palais. On termine d'installer les éléments de scénographie et on dispose les 45 joyaux du trésor venus d'Égypte dans les vitrines. Voilà, tout est prêt pour que le 16 février, l'exposition intitulée « Toutankhamon et son temps » ouvre ses portes au public. Il va se faire vers la gauche, car vous commencez par l'enfance du roi avec son petit peu. C'est en présence du ministre de la Culture, André Malraux, et de son homologue égyptien, le docteur Sarwat Okacha, venu du Caire pour l'événement, que Christiane Desroches-Noblecourt inaugure l'exposition. L'égyptologue commente la mise en scène par endroits volontairement sombres, à d'autres lumineuses, le tout créant une atmosphère mystérieuse. Puis elle insiste sur la volonté de créer, salle après salle, un cheminement innovant. C'est la première fois qu'on a fait une exposition thématique. En général, les gens mettent les objets pour leur beauté. Puis les gens passent devant en disant « Oh, comme c'est beau !» Je trouvais que c'était parfaitement emmerdant. Des objets qu'on met dans un coin, à côté d'autres objets qui ne veulent rien dire, mais parce que ce sont des beaux objets, c'est impossible à avaler. Alors, j'avais naturellement organisé des thèmes. Et les objets que j'avais pris au musée du Caire me permettaient, grosso modo, d'évoquer tous les instants les plus extraordinaires de la naissance, de la vie et de la mort du roi. Aux questions des deux ministres, Christiane Desroches-Noblecourt répond avec les connaissances de l'époque. Non, on ne connaît pas avec certitude la lignée et la parenté de Toutankhamon, monsieur Malraux. Non, monsieur Okacha, on n'est pas sûr des causes de la mort de ce pharaon, mais on suppose qu'il n'a pas dépassé les 20 ans. Ensuite, le petit groupe pénètre dans la salle dite « royale ». Là, de longs bras couleur bleu nuit encadrent les vitrines, d'où scintillent les joyaux et les parures précieuses ayant appartenu au pharaon défunt. À leur sortie, premier à s'exprimer, le ministre Malraux, qui prononce un discours solennel et empathique, comme à son habitude. Ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin, qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue. Après le succès ici même de l'exposition consacrée au peintre Picasso, le pharaon Toutankhamon et ses trésors s'installent à leur tour dans les salles et les couloirs du Petit Palais. Bien, mais le public sera-t-il au rendez-vous? Et surtout, la malédiction de la momie s'abattra-t-elle à son tour sur Paris? Le grand public et les curieux le souhaitent. Christiane Desroches-Noblecourt et les responsables du musée, eux, s'inquiètent. Sleeping on the river. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. France Inter, Interactualité Magazine, présenté par Jacques Garat. Et à Paris ce matin, Édouard Guibert, le président de la République et Madame de Gaulle ont visité l'exposition Toutankhamon. Oui, pendant plus d'une heure, le président de la République, accompagné de Monsieur Okacha, le ministre de la Culture d'Égypte, et de Monsieur Malraux, a parcouru les salles obscures du petit palais où resplendissent les ors et les pierres du trésor de Toutankhamon. Tout cela est incroyable, prodigieux, a murmuré le général de Gaulle. Mardi 9 mai 1967. Dans les couloirs du musée du Petit Palais, c'est l'effervescence. Le général de Gaulle parcourt ce matin les salles de l'expo. À ses côtés, Christiane Desroches-Noblecourt prodigue conseils et réponses aux éventuelles questions. Venu spécialement du Caire, le ministre égyptien de la Culture, le docteur Okacha, participe lui aussi à cette visite. Le général était censé passer une vingtaine de minutes, il restera au Petit Palais plus de 2 heures. Passionné par les rites funéraires, le chef de l'État interroge ses accompagnants sur toute une série de détails qui échappent souvent à l'œil du visiteur lambda. Dans l'avant-dernière salle, il contemple de longs instants le masque en or de la tête du sarcophage, clou de l'exposition. « Une merveille !» s'exclame-t-il. Et puis voilà plusieurs années que le général de Gaulle tente de placer ses pions sur l'échiquier mondial. Après sa sortie remarquée du commandement intégré de l'OTAN un an plus tôt, en 1966, organiser à Paris une grande exposition sur l'art égyptien est pour lui une chance de renouer le dialogue avec le général Nasser, au Caire. C'est un coup diplomatique. Jour après jour, semaine après semaine, l'enthousiasme du public pour les trésors de Toutankhamon ne faiblit pas. Chaque matin, ils sont plusieurs centaines à patienter les uns derrière les autres, avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement de Paris. En moyenne, ce sont un peu plus de 10 000 personnes qui viennent au Petit Palais tous les jours, soit plus qu'à la Tour Eiffel à la même période. Pour faire face à une telle affluence, et pour sécuriser les allées et venues des visiteurs, la directrice du musée, Adeline Cacan, doit faire appel aux soldats de la garde républicaine. Il faut dire que la publicité autour de l'exposition a dépassé les frontières de l'Hexagone. Parmi le public, on compte en effet des touristes anglais, allemands, américains, venus spécialement, oui, pour voir les joyaux égyptiens, car personne ne sait alors si un jour, ces œuvres ressortiront de nouveau d'Égypte. Au micro de France Inter, Adeline Cacan revient sur ce succès. Il y a une bien meilleure information, ne disons pas publicité, mais information du public sur les grandes manifestations qui se déroulent à Paris dans les différents musées et particulièrement au Petit Palais. Et il y a aussi un phénomène social. Les jeunes ont une bien meilleure éducation à l'école et veulent aussi s'informer, s'éduquer. À la mi-juillet 67, 5 mois après l'inauguration de l'exposition Toutankhamon, la presse consacre ses unes aux chiffres de fréquentation du Petit Palais. Dans les colonnes du journal Le Monde, on peut lire « Dans les jours qui viennent, le musée parisien accueillera dans ses salles son 1000e égyptologue en herbe, un record ». Quant au mythe de l'inquiétante malédiction de la momie, longtemps relayé par les journalistes, il semble avoir disparu. Tout au contraire, nombreux sont ceux qui parlent plutôt d'une bénédiction Toutankhamon. Comme Christiane Desroches-Noblecourt, qui d'ailleurs ironisera plus tard sur ce point dans l'émission Les Jours du Siècle sur France Inter. Et la malédiction de Toutankhamon, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut la considérer comme une aimable plaisanterie. Parce que celui qui aurait pu être la première victime, c'est Carter. Or, c'est Carnarvon qui a payé parce qu'il était très fatigué. Et puis, beaucoup de gens se sont succédés et ont travaillé dans cette tombe. Il n'empêche que plusieurs morts étranges ont entouré cette fantastique découverte. 17 savants ont eu des contacts avec le tombeau et ont quitté ce monde dans des conditions inexpliquées. Lord Carnarvon est mort au Caire, c'est bien ça. Ce soir-là, il semble que toutes les lumières de la capitale égyptienne s'éteignaient brusquement. Et c'est pas tout. En Angleterre, le chien de Carnarvon s'était mis à hurler et mourait foudroyé au même moment où son maître expirait. Il y a du vrai dans tout ça? C'est tout à fait vrai. Et c'est ce que le fils de Carnarvon m'avait raconté. Initialement prévue jusqu'en mai, l'expo Toutankhamon est prolongée à 2 reprises, mais elle va être contrainte de fermer ses portes, non pas faute d'affluence, au contraire, mais à cause du contexte international de l'été 67. Proche-Orient, en effet, la victoire de l'armée israélienne sur la coalition de pays arabes, emmenée par l'Égypte au terme de l'épisode de la guerre des Six Jours, provoque une instabilité chronique. La DST juge sérieuse la menace d'attentat contre le Petit Palais, où trônent les trésors de l'Antiquité égyptienne. Ainsi, le 4 septembre 1967, une page de l'histoire culturelle de la France se referme. Face à la caméra de RTF, la dernière visiteuse de l'exposition, une certaine Madame Hirsch, témoigne. Le lendemain de mon retour de vacances, j'ai d'abord téléphoné savoir si l'exposition était prolongée. On m'a dit « elle ferme ce soir à 7h30 ». Alors j'ai téléphoné à mon mari de se précipiter, de venir me chercher. Puis voyant que la file des gens allait assez vite, il avait posé sa voiture juste devant le palais. Il est rentré, je ne l'ai pas vu passer. Moi j'attendais toujours en laissant passer tous les gens pour pouvoir avoir la possibilité de le rencontrer. Puis quand j'ai vu que les agents enlevaient les barrières et qu'on allait fermer la porte, alors là je me suis précipitée, j'ai bousculé un peu le gardien. Il m'a dit « ah, enfin tout le monde a crié, voilà la dernière ». Je lui ai dit « oui, je m'excuse, mais... » Et Madame Noblecourt s'est approchée de moi et m'a dit « mais madame, ne vous excusez pas, au contraire, c'est une chance pour vous, car vous allez être comblée ». Puis quelques jours après, on m'a appelée à l'ambassade d'Égypte pour me proposer de partir si j'en avais la possibilité de faire un voyage au Caire, enfin en Égypte, pour 15 jours. Au terme d'années de négociations et d'une préparation méticuleuse, l'exposition Toutankhamon et son temps au Petit Palais va rassembler plus +1 250 000 visiteurs. Pionnière tant par son organisation thématique que par sa scénographie, elle reste à ce jour la manifestation culturelle la plus importante qui se soit déroulée en France. Elle se verra d'ailleurs attribuer plus tard le titre d'exposition du siècle. L'intégralité des bénéfices sont reversés à l'Égypte et vont servir à sauver du péril des eaux les temples de la vallée de la Nubie. À cela s'ajoute bien sûr le prestige qu'acquiert la France en matière d'égyptologie. 150 ans après avoir déchiffré les hiéroglyphes, la France avec Champollion est le premier pays à exposer les plus grands joyaux de la civilisation égyptienne, une certaine logique. Alors, une malédiction, le pharaon Toutankhamon, mais non, bien sûr que non, c'est une bénédiction pour la France. On est bien un peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Admirer que hier et je serai poussière pour toujours. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'expo Toutankhamon à Paris. Notre invité en duplex des studios de France Bleu Héros à Montpellier, Marc Gabold. Bonjour. Bonjour. Professeur d'égyptologie à l'Université Paul Valéry de Montpellier, vous avez effectué de nombreuses missions archéologiques en Égypte et vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence intitulé tout simplement Toutankhamon, paru aux éditions Pygmalion en 2015. Alors il y a, Marc Gabold, tout de même un paradoxe. Toutankhamon n'est pas le pharaon qui a régné le plus longtemps. Certains prétendent même qu'il était trop jeune pour prendre des décisions, mais qu'on a prises à sa place d'ailleurs. Toutankhamon n'est pas non plus le pharaon qui a le plus d'importance dans l'histoire de l'Égypte antique. Et pourtant aujourd'hui, c'est probablement le plus connu à travers le monde. Comment l'expliquez-vous ? Ah bah, bien entendu, c'est la découverte du trésor. D'abord des objets magnifiques, la seule tombe royale intacte, et en plus, c'est une époque qui est vraiment intéressante pour l'histoire de l'Égypte ancienne, avec le premier pharaon monothéiste, Akhenaton, et Néfertiti à la génération précédente. Et puis s'y ajoute cette petite malédiction qui entoure toute la découverte d'un parfum de mystère propre à focaliser les projecteurs. Quel est votre regard, vous, sur cette malédiction réelle ou supposée ? Alors, je trouve que c'est une très jolie histoire et qu'il faut l'entretenir. Voilà, mais ça fait partie, si vous voulez, maintenant, de l'histoire de la découverte. Bien entendu, elle n'a pour moi aucune base scientifique, mais ça fait partie de l'histoire de ce jeune roi, pratiquement. Alors, maintenant, d'un point de vue plus scientifique, qu'est-ce que la découverte de ce trésor a apporté aux égyptologues et à la connaissance de l'Égypte antique ? C'était la première fois que l'on découvrait une tombe royale pratiquement intacte. Je dis pratiquement intacte parce qu'il y a eu probablement deux pillages ou tentatives de pillage dans l'Antiquité. Donc on pouvait reconstituer, si vous voulez, à l'envers les funérailles d'un pharaon. En sortant les objets, en démontant les chapelles funéraires, on procédait à l'inverse de ce que les prêtres avaient fait autour de la dépouille de Toutankhamon. Et quelles sont, si l'on peut dire, les plus belles pièces du trésor ? En tout cas, les pièces dont la valeur et la signification pour les historiens est la plus forte. Ah oui, ce sont deux choses différentes. Les plus belles pièces, les pièces les plus remarquables, à mon avis, c'est le masque d'or, qui est probablement à l'origine, qui n'a pas été fait pour Toutankhamon, mais pour sa sœur aînée, et qui a été visiblement usurpé pour Toutankhamon. Le cercueil d'or, un cercueil d'or de 110 kilos, c'est, la plus grosse pièce en or qui soit parvenue à nous de l'Antiquité, d'une seule pièce. Bon, à côté de ça, il y a des petits témoins historiques tout à fait intéressants. On a très peu d'indications biographiques. Mais par exemple, il y a un éventail, et sur le manche de l'éventail, il est écrit que les plumes qui ornaient cet éventail, eh bien, provenaient des chasses aux autruches du roi à l'est d'Héliopolis. Et on a d'ailleurs des représentations des deux côtés de cet éventail, et de la chasse, et du retour de la chasse. Donc on a quand même quelques petits éléments historiques qui surnagent de l'ensemble de ce trésor, mais on a plus en fait d'informations historiques à partir des documents extérieurs à la tombe. C'est-à-dire les stèles de particuliers, les monuments qu'il a édifiés, les reliefs qu'il a fait graver au temple de Louxor à Karnak, surtout les tombes des nobles de la région de Memphis, près des pyramides, où on a retrouvé énormément d'indications sur son règne. J'imagine que malgré tout ça, malgré toutes ces découvertes, il reste des mystères autour de la vie et du règne de Toutankhamon. Qu'est-ce qu'on aimerait savoir ? Qu'est-ce que les égyptologues aimeraient savoir de lui qu'ils ne savent pas encore ? On n'a pas de certitude sur ses parents. Il y a plusieurs hypothèses, j'en ai une comme beaucoup de mes collègues. Bon, pour moi, il est le fils d'Akhenaton et de Néfertiti, qui étaient probablement cousins germains, issus de cousins germains, ce qui explique qu'ils ont un ADN très proche. D'autres égyptologues sont d'un autre avis, et puis on a aussi des interrogations sur sa mort. Quand on meurt vers 17-18 ans, on meurt pas de vieillesse, donc soit c'est la maladie, soit c'est un accident, soit c'est un meurtre. Donc, et on peut éliminer le meurtre, hein, puisqu'on n'a pas de traces de traumatisme létal. Donc, c'est soit un accident, soit une maladie. Mais un accident pourrait porter des traces, non? Alors, il semblerait qu'on ait repéré une fracture au niveau du genou. C'est les dernières analyses qui ont été faites en 2008. Et une fracture dans laquelle auraient pénétré les produits de momification. Donc, ce serait une fracture qui aurait été faite avant la mort. Mmh. Et qui aurait pu s'infecter. Et vous savez, une fracture ouverte sur un os dans un pays chaud, sur un organisme frêle, on sait qu'il avait la malaria, il est mort d'une septicémie, probablement. Oui, à cette époque-là, bien sûr, on n'avait pas la réponse médicale. Il n'y a pas médicale. D'antibiotique. Il n'y a pas d'antibiotique, exactement. Alors, on l'a vu dans le récit, et on le sait, il semble exister depuis le début des recherches, une sorte de spécialité française pour l'égyptologie, de la traduction des hiéroglyphes par Champollion au sauvetage des temples de la vallée de la Nubie par Christiane Desroches-Noblecourt. Il y a une filiation, une spécialité. D'abord, est-ce que vous confirmez ça et pourquoi? Il y a une relation privilégiée entre la France et l'Égypte qui est due effectivement à ces événements historiques particuliers. Le premier d'entre tous, c'est quand même l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Ah oui, en 1798. Vrai. Et oui, c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu un grand intérêt et il part avec des savants. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire, en gros, l'encyclopédie de D'Alembert et Diderot, mais en Égypte. Et donc, on rapporte d'Égypte une moisson extraordinaire de documentation, plus que de monuments, puisque les Anglais, après la bataille d'Abou Kir, vont récupérer l'essentiel des antiquités. Mais c'est à partir de ces matériaux que l'on va faire la description de l'Égypte et qui va être effectivement l'un des jalons qui va permettre à Champollion par la suite de déchiffrer les hiéroglyphes. Ouais. Ensuite, donc il y a le déchiffrement. Ensuite, il y a la création du service des antiquités de l'Égypte à l'initiative de laquelle sont des Français, hein, Mariette, puis ensuite Maspero, et puis la création de l'Institut français d'archéologie orientale. C'est vrai qu'il y a toujours eu une passion française pour l'Égypte, et l'Égypte a toujours accueilli favorablement les chercheurs français sur son territoire. Colonne de fumée filtrait quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, toujours, toujours, au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, cours de mer tranquille. Aujourd'hui encore, nos balances qui passent savent nous montrer la voie de nos luttes. aujourd'hui encore, nos bas lorsqu'ils passent, savent nous laisser quelques traces de lutte. Au loin, les pyramides, le cours de notre tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de notre tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de notre tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de notre tranquille. Marc Gabold, je voudrais revenir une minute, pas plus, parce que vous avez déjà dit ce que vous en pensiez de cette malédiction réelle ou supposée qui toucherait chaque personne, enfin beaucoup de personnes ayant profané le tombeau du pharaon. À ce sujet, on va écouter ensemble le témoignage du docteur Caroline Philippe. En 1985, elle propose une nouvelle hypothèse pour expliquer tous ces décès, figurez-vous, celle d'une allergie aux poussières présentes dans le tombeau. On l'écoute. Nous savions qu'il y avait pas mal d'égyptologues qui étaient morts et qui avaient présenté des signes pulmonaires. 5 ou 6 parmi toute la kyrielle de victimes de la malédiction des pharaons. Et nous savions aussi qu'il y avait des histoires de chauves-souris et nous avions un cas un peu bizarre, une observation un peu originale d'un malade qui avait une colonie de chauves-souris dans le grenier de son chalet et qui avait présenté une bronchopneumopathie immunoallergique développé à partir de moisissures en général, et dans ce cas-là, la seule chose qui pouvait être incriminée, c'était les chauves-souris. C'est déjà une observation un peu exceptionnelle en soi. Donc on a eu l'idée de travailler là-dessus. Et chemin faisant, on s'est rendu compte que, effectivement, c'est notre première hypothèse était bonne. Il y avait certainement des égyptologues qui sont morts de pathologies pulmonaires vraisemblablement allergiques, mais qu'en fait, il n'y avait pas de chauves-souris dans la tombe. Et on a remplacé l'hypothèse des chauves-souris par, en fait, toutes les moisissures qui existaient dans le tombeau. Qu'en pensez-vous, Marc Gabold ? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de malédiction. Si vous regardez l'ensemble de ces décès, moi j'en ai compté en fait 16 entre 1923 et 1930, pas plus. Et il y a une première chose qui frappe, c'est que aucune femme n'y a succombé. Donc une malédiction qui ignore la parité, pour moi, elle est parfaitement anormale. Deuxième chose, si je regarde la moyenne d'âge au décès de tous ces morts maudits, eh bien on obtient 52 ans, 1,4. Or la moyenne d'âge au décès à l'époque, c'est 52,2. Donc on est dans la triste moyenne. Et puis il y a des tas de gens qui ne sont pas morts en raison de germes pathogènes ou quoi que ce soit. Effectivement, Mas, qui était l'un des collaborateurs de Carter, est mort d'une infection pulmonaire, mais beaucoup plus certainement contractée lors de ses fouilles précédentes vers le delta égyptien, où là il avait effectivement respiré de la poussière de chauve-souris. Quant aux autres, vous savez, il y en a qui n'ont même pas existé. Le professeur Lafleur, que l'on cite régulièrement comme deuxième mort de la malédiction, je ne parviens pas à retrouver la trace de sa biographie. Mais vous dites, et vous avez dit quand même tout à l'heure, que ce soit vrai ou faux, ça fait partie de l'histoire quand même. Ça fait partie de... Voilà, ça fait partie de l'histoire. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des dangers dans les tombes. On sait qu'en 1905, il y a des pillards de tombes qui sont morts en pillant une tombe à Thèbes. On sait aussi qu'en ouvrant le cercueil du roi Casimir de Pologne, qui était mort à la fin du 15e siècle, en 73, hein, c'était le cardinal Wojtyła qui avait donné l'autorisation, eh bien, 10 années après, pratiquement toute l'équipe était morte, et là, on avait trouvé des germes pathogènes, des champignons, des sporules, qui avait provoqué la mort. Alors, je dis pas que ça existe pas, mais dans le cas de Toutankhamon, visiblement, ça a été très très sélectif comme malédiction, hein. Aucune femme. Et puis, les principaux acteurs, 10 ans après la découverte du tombeau, étaient encore vivants. La fille de Carnarvon est morte à 80 ans, 79 ou 80 ans. Et on a même l'un des chimistes qui avait travaillé sur les objets, qui Harold Plenderleth, qui est mort à 99 ans. Oui, effectivement. Donc, voilà. Et quant au cardinal polonais Wojtyla, dont vous parliez en 73, eh bien, il devient 5 ans plus tard le pape Jean-Paul II. Voilà. Alors, les pharaons ont-ils livré tous leurs secrets aux égyptologues? Je ne connais pas la réponse, mais je parierais sur non, évidemment. Évidemment, non. Hein, évidemment, non. Alors, quels sont les territoires à explorer? L'égyptologie se dirige dans quelle direction, selon quel principe aujourd'hui? On essaye plutôt maintenant de reconstituer ce que fut la vie des Égyptiens et pas nécessairement des rois d'Égypte. Donc il y a des fouilles qui se passent dans des milieux urbains. Et puis on s'intéresse à des disciplines qui étaient un petit peu négligées. Par exemple, maintenant, sur certains chantiers, on fouille, on tamise très précautionneusement les déblais de fouilles qui proviennent des couches archéologiques, et on a des spécialistes qui étudient, par exemple, les restes de poux, de puces des anciens Égyptiens. C'était des choses auxquelles on ne prêtait absolument pas attention auparavant, mais ça peut donner des indications sur la santé des Égyptiens, voire sur la survenue de grandes pandémies comme la peste, etc. Donc on a des problématiques un petit peu différentes de celles de nos prédécesseurs. Merci, ce sera le mot de la fin, Maria Bold. Merci pour tous vos éclairages et votre savoir sur l'égyptologie. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Expo Toutankhamon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, on le remercie, il y avait Raphaël Rousseau.